Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Les Saguenay de Chicoutimi hier ont perdu par la marque de 5 à 4 hier contre les Cataractes de Shawinigan. Ça se passait à Robertval dans le cadre du traditionnel match du match au concours dans le Haut-du-Lac. Et pour les Saguenay, il y avait quand même 800 spectateurs hier qui étaient réunis au centre sportif Benoît-Lévesque. Pour les Saguenayens, notez que Théo Rochette a marqué un but et a amassé une passe. Christopher Farmer qui a également marqué un but, de même que Ethan Crossman et Hendrix Lapierre. Deux passes pour Artemi qui achève. Rencontré entre la deuxième et la troisième période, le président du hockey mineur de Robertval, Pascal Bouchard, a mentionné au Journal Le Quotidien qu'on s'attend, comme en 2016, d'aller chercher un bon montant pour le hockey mineur. On parle de entre 4 000 et 6 000 $. Maintenant, on va parler du côté, puisqu'il est question du hockey Robertval. Hier, on a fait notre première entrevue avec Simon Gaudreau des Aigles de Robertval. Les Aigles qui ont commencé leur camp d'entraînement. Et Simon Gaudreau est quand même content de la forme des jeunes. Je trouve que ça change tranquillement pas vite. Là. Il y a des groupes d'entraînement qui se sont créés un petit peu partout, là, ici, au bas du lac. Et puis, les jeunes ont pris ça au sérieux. Ils voulaient garder leur place là, ou maintenant rentrer à l'intérieur du hockey scolaire. Donc, on a senti un petit vent là, de jeunes qui ont pris leur été un petit peu plus au sérieux que dans le passé. Mon Gaudreau parle que les équipes seront extrêmement travaillantes chez Aix cette année. Définitivement que ça sera des équipes là, extrêmement travaillantes, okay? Avec une identité de travail là, où ce que les jeunes là, vont se surpasser, là, autant académiquement que sur la glace. C'est sûr qu'ici, on parle de glace, mais d'avoir des bons étudiants, là, c'est important également pour nous. Et les trois équipes là, ont des on travaille extrêmement fort. Nos Benjamins là, ont une très belle profondeur, une belle équipe. Notre cadet, je pense qu'on a des joueurs qui sont talentueux. Qui vont se ressortir du lot au niveau de la scène provinciale. Et puis, notre équipe juvénile là, va être encore une fois travaillante. Ça ne sera pas des points gratuits pour l'adversaire lorsqu'ils vont venir ici, lorsqu'on va se présenter. Puis, il y a des jeunes qui ont été coupés maintenant en juvénile. Disons, là. On va parler de triathlon maintenant. Il y a la troisième édition du triathlon Saint-Félicien qui aura lieu en fin de semaine. En entrevue sur les ondes de radiosport.com, Jean-Philippe Tremblay a mentionné que la ville a fait beaucoup de travail pour améliorer le trajet et le triathlon gagne en crédibilité. La ville a fait des rénovations sur la route, donc on a un parcours asphalté parfait. Donc c'est le même triathlon, mais on avait un très haut standard de qualité depuis notre première édition, fait que c'est encore la même chose cette année. Mais on prend de plus en plus de participants, c'est de plus en plus connu. Cette année même, on a un invité de marque. Pierre Lavoie va être là, va faire le triathlon. Okay. Donc pour ceux et celles qui voudraient le côtoyer ou même rouler à ses côtés, c'est samedi que ça se passe. Donc, c'était... Jean-Philippe Tremblay explique dans un deuxième temps qu'il y a 70% des joueurs ou des athlètes qui participent au triathlon qui sont de la région. Les gens, si jamais les gens sont moins un peu à l'aise dans l'eau, on peut leur donner des casques de bain vert. À ce moment-là, les kayakistes, les Zodiacs, tout ça vont avoir un œil un peu plus souvent sur eux. On peut le faire en équipe aussi. Mais ouais. Je dirais que la proportion à peu près, là, c'est à peu près 70% de gens de la région, 30% okay. De gens d'extérieur. Ah, okay. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec Jean-Philippe Tremblay du côté du triathlon de Saint-Félicien. Michel Lallemand vient nous parler du golf à Chibougamau. On a également parlé avec Alexis Thibault de Saint-Félicien et vous pouvez également écouter aussi d'autres entrevues, dont une avec Simon Gaudreau des Aigles de Robertval. Sport local et régional, à danradiosport.com.